Chafee on the beat. Pokémon, faut te niquer cette année. Souris Armani, une belle amie la messe. On vit la nuit, je veux pas t'emboucaner. Une pensée à la cam qui s'est fait condamner. Je suis pété, j'ai charbonné tout l'été. Je vais charbonner tout l'hiver. Mon disque d'or, je l'ai pété. Je repars au charbon direct. Y'a Chefi qui fait la prod. Y'a Néné qui fait le rec. Normal, on passe les rapports. Y'a un truc, je te le dis direct. Ça fume la drogue. J'ai pas tenu les webboss pour percer. Travailler, tabac, on s'est pas dispersé. C'est le B.